On a tous détaillé ça sur des planches exposées par quelques profs en blouse blanche entre sciences naturelles et appétit. Tout de même, quel sacré tour de magie! C'est comme une révolution qui s'enclenche. Je t'imagine dans ton enveloppe étanche. J'explore les ombres des échographies jusqu'à l'heure où te voilà ici. Mon petit poulet musclé, mon moineau tout chaud, mon grain d'amour, mon brave poulbeau, mon lutin malin, mon puceron, mon héros. J'avais peur de toi tant que t'étais pas là, maintenant il fait beau. Tu ignorais parfaitement nos dimanches. C'est maintenant sur toi que le monde se penche. Tu lui tends les bras, tu souris à tout. Il ne t'en faut vraiment pas beaucoup. Tes petits crocs découpent le bonheur en tranches. Tes yeux ravis versent des larmes franches. Tes guiboles un jour t'ont tenu debout. C'est parti pour la vie, allez-y. Mon petit poulet musclé, mon moineau tout chaud, mon grain d'amour, mon brave poulbeau, mon champion mignon, mon trognon, mon pruneau, c'est partout chez toi, pourvu que tu nous vois, pas loin de tes croquenots. Derrière ton minois, des tonnes de pourquoi cherchent encore leurs mots. Ça c'est pour bientôt.